contes et légendes de l'heure, Gisors, le carrefour des fées. On montre encore, à Saint-Père, près de Gisors, un carrefour entouré d'arbres où se réunissent plusieurs routes et qui est nommé par les uns le rendez-vous des fées, par les autres rond dépouilleux, en faisant allusion à un fait traditionnel. Exemple bizarre et tant soit peu vulgaire des caprices souverains de mesdames les fées. Au milieu du carrefour que nous avons indiqué, se tenait, tous les soirs, le grand conseil des fées qui s'était attribué la surveillance du pays. Chaque fée avait son canton à administrer et elle devait se rendre compte mutuellement de ce qui s'était passé dans leur district. La présidente de l'assemblée tenait, entre les mains, un livre de vie qui contenait les noms de chaque habitant. À mesure que les fées faisaient leur rapport, et suivant qu'il était favorable ou contraire, elle marquait les noms inscrits d'un point noir ou blanc, et l'on prononçait ensuite le jugement des coupables qui s'étaient attirés la marque honteuse du point noir. La séance se terminait dans une danse ébouriffante où les fées rivalisaient d'intrépidité. Or, savez-vous quels étaient les résultats de cette assemblée magistrale? Tous les paysans et paysannes, allant au marché de Gisors pour vendre leurs récoltes ou faire leurs provisions hebdomadaires, étaient obligés de suivre un embranchement des routes aboutissant au fameux carrefour. Arrivés là, ils se sentaient pris d'une fatigue subite qui les forçait à faire halte et de s'asseoir, quelque envie d'ailleurs qu'ils eussent de passer outre. Mais cette lassitude factice ne durait qu'un instant. À peine assis, les méchantes gens, marqués d'un point noir, se relevaient, honteux et effrayés. Leur corps était couvert de certains insectes aux habitudes tracassières. Les bonnes gens, au contraire, dont le nom était marqué d'un point blanc, se relevaient allégés et dispos, et continuaient leur route, la jambe leste, la tête haute et le cœur joyeux. Au marché de Gisors, c'était un concert d'acclamations pour chaque nouvel arrivant. « Voilà de bonnes gens ! » s'écriait-on devant ceux dont la démarche brave et sémillante témoignait en leur faveur. « Voilà des gueux, ils ont des poux » répétait-on à ceux qui se traînaient piteusement ou trahissaient une malencontreuse démangeaison. Amélie Bosquet, Normandie romanesque et merveilleuse, 1845. Lue par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.